5. Vie privée de Tom Pouce. Rien n'était si agréable que de voir le petit Tommy chez lui, au milieu de tous les ustensiles qui servaient à ses usages journaliers. Sa maman lui avait acheté, chez un prédécesseur de Giroux, un beau ménage de 25 sous. Dans ce temps-là, les ménages étaient encore à bon marché. Et tout ce qui n'était pas pour les autres enfants qu'un joujou, étant proportionné à sa taille, Tom se trouvait avoir pour table, pour verres et pour assiettes, les tables, les verres et les assiettes avec lesquelles les autres enfants font d'ordinaire la dînette quand ils donnent à dîner à leurs poupées. Pour tout dire, quoique Tommy eût bon appétit, il mettait 6 jours à manger un macaron, car c'était pour lui comme un pain de 4 livres pour un autre. Son fauteuil était une chose extrêmement curieuse. Son père, qui était fort adroit, l'avait fait lui-même avec des arêtes de poisson, et au lieu de paille, il avait été obligé d'arracher pour le couvrir plusieurs cheveux à sa femme, qui les avait fort beaux. Le reste était à l'avenant. 6. Enfance de Tom Pouce. Il sait lire, écrire, compter et dessiner. L'enfance de Tommy fut assurément le temps le plus heureux de sa vie. Comme il était presque impossible d'avoir meilleur cœur qu'il ne l'avait, sa mère avait rarement l'occasion de le gronder, encore était-ce bien doucement. Et n'eut-elle jamais besoin de se servir contre lui, ni du martinet, ni de la verge, qu'il ne connaissait même pas de nom, et qui font tant de peur aux méchants petits garçons. Il apprit à lire, en moins de rien, dans un joli livre que lui avait laissé sa marraine. Ce livre s'appelait « Le livre des petits-enfants ». Il était rempli d'histoires qui étaient toutes plus jolies les unes que les autres, et d'images qui ne le cédaient en rien aux histoires. Tom y trouva aussi des fables qu'il apprit en un clin d'œil et qu'il récitait à merveille et dès qu'on l'en priait. À peine savait-il lire qu'il demanda une plume et du papier et se mit à écrire un beau compliment pour sa maman. Le plus difficile avait été de lui trouver une plume assez petite pour qu'il pût s'en servir, mais à la fin on en était venu à bout. Son écriture était fine et déliée, ses lignes bien droites, et peu à peu, il en vint presque à savoir aussi l'orthographe. « Je ne serai pas grand, disait-il parfois, mais je serai savant. » Quand il sut écrire tout à fait, le goût des arts, et surtout le goût du dessin, se développa en lui. Il composait déjà de fort jolies petites vignettes, à un âge où les plus habiles ne font encore que des nez, des bouches et des oreilles. C'était merveille que de voir les ravissants petits dessins qui couvraient ses cahiers. Il fit, après 6 mois de leçons, le portrait de son père et celui de sa mère d'une ressemblance si frappante que, quoi qu'ils fussent, on le pense bien, des portraits extrêmement petits, ceux qui avaient de bons yeux ne pouvaient les regarder sans s'écrier tout de suite en voyant celui du père « C'est Monsieur Pouce !» et en voyant celui de la mère « C'est en vérité Madame Pouce !» Car il faut dire que, contrairement à ce qui se pratique de nos jours, le père et la mère de Pouce avaient fini par prendre le nom de leur fils. Quant à ce qui est de compter, on peut dire qu'aucun enfant ne comptait mieux que lui. Il savait ses 4 règles, et s'il y en avait eu plus de 4 à apprendre, il les eût apprises également. Dans ses heures de récréation, il suivait quelquefois son père dans les champs et là, armé d'un petit fouet, il défendait son déjeuner contre les moineaux auxquels le pain ne manquait pas de faire envie. Mais par exemple, dans les moments où il faisait du vent, on était obligé de l'attacher avec un fil à la tige d'un chardon pour qu'il ne fût pas emporté. Il s'y reposait à l'abri des plus grosses tempêtes. Quand il jouait, c'était à des jeux dont le pauvre petit était pour ainsi dire l'inventeur, et il le fallait bien. Les jeux des autres enfants étant pour lui jeux de géants. Il s'était fabriqué à lui-même une petite charrue, semblable en tout à celle de son père, et qui marchait toute seule, et il s'en servait si bien pour labourer son jardin, qui se composait d'un pot à fleurs dans lequel son père avait mis de la fine terre de bruyère, que les petites graines qu'il y semait y poussaient toutes à merveille. Aussi, Monsieur Pouce, disait-il avec fierté, c'est égal, si ce petit-là avait été plus grand, il serait devenu le meilleur jardinier de la contrée. Tous les matins, au temps des fleurs, Tom en offrait une, la plus belle éclose, à sa maman qui l'embrassait en pleurant de joie de le voir si prévenant. Et quand il en avait assez, le charmant enfant tressait 2 petites couronnes qu'il accrochait au-dessus des 2 portraits de ses parents. 7. La voix de Tom Pouce. Je n'ai pas encore parlé de la voix de Tom. Aussi est-il bien temps que je dise que cette voix était la plus aimable et la plus flatteuse qu'on pût entendre. Mais si faible, qu'il fallait y être bien habitué ou avoir l'oreille aux aguets pour ne rien perdre de ce qu'il disait. Sa mère, par exemple, distinguait aussi bien chacune de ses paroles que s'il eût eu une voix de tonnerre. Et d'ailleurs, à force de s'aimer, ils s'entendaient tous deux à ce point qu'ils n'avaient pas besoin de parler pour se comprendre, et qu'il leur suffisait de se regarder. La faiblesse de la voix de Tom avait pour résultat qu'il parlait rarement, car, s'il avait parlé davantage, il se serait nécessairement fatigué la poitrine. Mais ceci même eut un avantage pour lui, car, parlant peu, il écouta beaucoup, et acquit ainsi une foule de connaissances utiles qui échappent nécessairement à celui qui ne fait que bavarder. 8. Les oreilles de Tom Pouce et les colimaçons. Chose surprenante, Tommy avait l'oreille si subtile et si délicate qu'il en vint à entendre parler des êtres que nous autres, avec nos grandes oreilles, nous croyons tout à fait dépourvus de l'usage de la parole. Un jour, Tom demanda à son père si les colimaçons parlaient. Son père n'hésita pas à lui répondre que les colimaçons ne parlaient pas. « Je crois pourtant qu'ils parlent, » dit Tom, en demandant pardon à son père de n'être point de son avis, « et je le crois parce que ce matin même j'en ai entendu deux, tout au bas de la porte, qui se parlaient entre eux. » « Et comment as-tu fait pour les entendre ?» dit M. Pouce en riant dans sa barbe. « Ma foi, » dit Tom, « je ne songeais guère à surprendre leurs secrets. Je m'étais mis pour être à l'ombre dans une coquille abandonnée. Ils vinrent à côté de moi sans se douter de rien, puis ils se mirent à parler, et je les ai entendus. » « Et que se disait-il ? » dit M. Pouce, riant encore plus fort. « Celui qui était le plus près de moi, » répondit le petit Pouce, « disait, il y a là-bas dans le jardin de M. Tom Père deux abricots superbes qui ont l'air d'être mûrs et bons à manger. « Est-ce loin ? » dit l'autre. « Non, » répondit la première voix. « Quand donc le soleil sera couché et que la nuit sera venue, nous sortirons de notre trou et nous ferons un fameux souper. » « Et celui qui nous le paiera, ce sera M. Pouce, père !» reprit la seconde voix. « Les brigands !» s'écria M. Pouce indigné. « Mais, bah, dit-il, c'est un conte que tu me fais là !»« Ce n'est pas un conte !» dit le petit Pouce, en engageant son père à guetter les deux colimaçons. « Parbleu !» reprit le père, « si tu pouvais entendre le langage des bêtes, tu aurais là un singulier talent. » Mais qui fut bien étonné quand le soir fut venu ? Ce fut M. Pouce qui, s'étant mis en embuscade, surprit bientôt les deux voleurs, qu'il prit, comme on dit, en flagrant délit. Les deux abricots étaient déjà entamés. Et qui fut bien attrapé, ce furent les deux colimaçons qui payèrent de leur vie leur gourmandise et qui ne surent comment on avait pu déjouer leur complot. Une autre fois, il entendit pendant la nuit comme un bruit de scie. Il réveilla aussi sa maman. C'étaient les vers qui s'étaient mis dans le sac aux noisettes. Il y en avait déjà beaucoup de troués. Grâce à Tom, celles qui ne l'étaient pas encore furent préservées. Mais en voilà plus qu'il n'en faut pour montrer que Tom avait des oreilles surprenantes. 9. L'épée de Tom Pouce. Nous avons oublié de dire que Pouce avait une épée. Cette épée était faite de la moitié d'une petite aiguille à repriser que sa marraine avait fait aiguiser et damasquiner à son intention, prévoyant bien qu'étant faible comme il l'était, il aurait souvent à se mettre en défense. Tom ne quittait jamais cette épée. Il couchait même avec elle, car il avait des ennemis auxquels des enfants d'une taille ordinaire sont rarement exposés. Une puce était pour lui un animal véritablement féroce. Une araignée était un monstre redoutable. Et quand il lui arrivait de rencontrer l'une ou l'autre, le pauvre Tom n'en était pas toujours quitte pour une piqûre. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de tenir en respect son ennemi jusqu'à ce que sa bonne mère vînt à son secours. Un jour que Tom, après toute une matinée, passait à sarcler son petit jardin, à ratisser les allées, à arroser une plate-bande de pâquerettes qu'il venait de semer et à faire la guerre aux insectes, se reposait sur le bord d'un frais ruisseau sous une feuille qui le couvrait presque tout entier comme un immense parasol. Il se sentit tout d'un coup piqué à la main. Il se leva plein de colère, et n'apercevant autour de lui qu'un papillon de l'espèce qu'on nomme amiral, il crut que c'était là l'ennemi qui avait lâchement profité de son sommeil pour venir le blesser. Ayant donc dégainé, il leva sa formidable épée sur le malheureux papillon. C'en était fait du bel insecte quand Tom, dont la colère commençait à se calmer, réfléchit qu'un papillon n'ayant point de dard, ce n'était point le papillon qui avait pu le piquer, et qu'il allait peut-être faire périr un innocent à la place d'un coupable. Ayant donc fait de plus actives recherches, regardé autour de lui, en bas et en haut, et passé successivement en revue tous les buissons, il découvrit bourdonnant dans une épaisse touffe d'herbe trois guêpes monstrueuses. Si ces guêpes eussent été des abeilles, Tom leur aurait peut-être pardonné, car enfin, si les abeilles piquent, en revanche, elles sont bonnes à quelque chose, et le miel qu'elles fabriquent est bien fait pour plaider en leur faveur. Mais des guêpes, des êtres inutiles et malfaisants, s'étaient débarrassés la terre d'un fléau. Tom les attaqua bravement, et les ayant vaincues toutes trois l'une après l'autre et mises à mort, il les emporta chez lui comme un trophée de sa victoire. Ce que nous en disons, c'est pour prouver que Tom était brave, et que dans son petit cœur, il y avait un grand courage. La taille ne fait pas le héros. Il y eut de par le monde de forts grands hommes qui n'avaient pas plus de 4 ou 5 pieds. On a vu très peu de tambour-major devenir colonel, et pour tout dire, l'histoire de David et de Goliath est une vieille histoire qui prouve de reste ce que je viens d'avancer.